Zappa, Zappa. J'enchaîne, veux-tu boire un café au soleil de l'été? Mais volontiers, je veux me marier. Mais volontiers, je veux me marier. Isabelle veut se marier. Isabelle a des idées de curé, de se marier. Isabelle veut se marier. Isabelle a des idées de curé, de se marier. Mais je l'ai dit, viens voir le sang sur la croix des peuples qui ont mal. Viens voir le sang sur la croix des peuples qui ont mal. Dans la forêt des Carpates, viens entendre les oiseaux chanter, la nature. Viens près de la rivière t'asseoir. Le monde n'est pas un dé qu'un dieu aurait. Des peuples qui ont mal. Viens voir le sang sur la croix. Des peuples qui ont mal. Qui ont mal. Le monde n'est pas un dé. Dieu aurait lancé pour s'amuser l'éternité. Le monde n'est pas un dé qu'un dieu aurait lancé pour s'amuser l'éternité. Je lui demande comment elle s'appelle, Isabelle. J'enchaîne, veux-tu boire un café au soleil de l'été? Mais volontiers, je veux t'embrasser.